Continent Science, Stéphane Delisgeorges. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Et voilà le retour, et voilà la rentrée, et en ouverture de tous les rendez-vous scientifiques de la série Culture Science tous les jours, à 14h en direct du studio numéro 1 de la maison de la radio, de la maison ronde. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bien voilà, nous ouvrons cette saison, cette rentrée, par un problème d'importance qui est le droit des animaux. Je donnerai tout à l'heure quelques chiffres qui, à tout le moins, peuvent donner vraiment le frisson quand on voit le comportement vis-à-vis de nos frères vivants. Et surtout autour d'un auteur, d'un grand auteur, qui s'appelle Gary Francione, dont on a traduit le livre, qui s'intitule tout simplement « Introduction au droit des animaux ». Il vient, en quelque sorte, en suite, en écho, puisqu'ils ont des positions différentes, avec l'émission où on avait pu présenter l'œuvre d'un autre très grand philosophe qui s'occupe du droit des animaux. Il s'agissait de Tom Regan, à l'époque. Voilà. Avec moi, aujourd'hui, Lorgane, c'est elle qui a traduit ce livre difficile, un gros livre. Et Florent Couturier, il est philosophe et il est plutôt orienté dans la philosophie morale. Mais évidemment, nous n'allons pas trahir, dans cette rentrée, nos habitudes, nos traditions, la petite chronique animalière. Pour cette chronique animalière de rentrée, je retiens une araignée. Une araignée au dévouement maternel, incroyable, on peut dire presque, définitif. Son nom de science, binomial, Stegodiphus lineatus. Elle peuple les régions désertiques. Pendant 2 semaines, elle nourrit ses nouveau-nés avec des sucs qu'elle régurgite. Puis elle achève le processus en offrant son corps à sa progéniture. Les scientifiques ont observé comment le corps de cette araignée changeait peu à peu de nature. Tout commence pendant l'incubation. Certaines parties de l'intestin s'assombrissent. Les tissus se dégradent. À l'éclosion, on observe un ramollissement sensible de l'abdomen. La mère a donc déjà commencé à payer de sa personne, si je puis dire. Dès la ponte, l'araignée a cessé de s'alimenter. Une fois les œufs éclos, elle puise dans ses réserves pour produire et régurgiter à nouveau ce suc que les petits viennent aspirer dans sa bouche. Le processus d'alimentation des petits et de dégradation progressive, du corps se poursuit. Au cours de cette phase de 2 semaines, l'araignée va perdre 45% de son poids. C'est maintenant un animal épuisé, un animal tout à fait exsangue, et dont la plupart des muscles, tissus et organes, à l'exception notable, bien sûr, du corps, du cœur, se sont liquéfiés et qui s'effondrent, cet animal, qui s'effondre au terme de cette période. La scène finale, l'ultime repas familial, entre guillemets, si je puis dire, peut alors commencer. Qui invite la fratrie à ce matrifage? On ne sait pas encore. Un signal, une vibration émise par la mère sur la toile et que les petits perçoivent. L'abdomen est à présent aisé à percer. Il est particulièrement riche en nutriments et protéines. Tour à tour, les quelques 80 petits que compte la couvée aspirent jusqu'au cartilage des pattes. 2 à 3 heures plus tard, ils abandonnent un squelette. Pendant 2 semaines encore, ils resteront au nid, parfaitement repus. puis quitteront le foyer pour partir à l'assaut d'autres proies. Et puis la majorité des arachnides, comme l'on sait, sont solitaires. Même si le sacrifice maternel a été observé chez une espèce de perce-oreille, les araignées dominent cette pratique, puisqu'une dizaine d'autres espèces matrifages ont déjà été répertoriées. Rien n'est trop bon pour nourrir ses enfants au monde des arachnides. Bonjour Claire Gall. Bonjour. Félicitations, en tout cas pour votre courage. C'est un petit peu la même chose que je disais au traducteur de Tom Regan. Bonjour Florent Couturier. Bonjour. Alors je me suis pas trompé, hein. Traductrice d'un côté et puis philosophe plus spécialement tourné vers la philosophie morale, c'est bien ça? Oui, l'éthique animale. L'éthique animale, d'accord. Donc vous êtes évidemment content du travail et de l'initiative de l'éditeur qui a publié cet ouvrage, hein, les éditions L'Âge d'Homme, et du travail est donc conséquent, puisque ça ne doit pas être facile, de Claire Gall. Alors, on peut peut-être tout de suite dire l'importance de trois, on va dire champions de la cause animale. Ils sont presque historiques, et j'en ai cité un, c'est Regan. Nous allons cette fois présenter l'œuvre de Francione, d'un ouvrage qui date de 2000, avec une reprise en 2004, et puis Peter Singer. Est-ce que vous acceptez ce trio, Florian Couturier, ou il faudra en rajouter? Ils ont une succession, bien sûr, ça continue, évidemment, mais... Oui, voilà. Dans la mesure où il y a une succession, oui, on peut accepter ce trio. Après, en toute justice, c'est vrai qu'il y a un grand nombre d'auteurs qui contribuent à forger ce dialogue autour des droits des animaux. Donc, il y a beaucoup d'auteurs très intéressants. Ici, on le verra dans la suite de l'émission, on peut comprendre effectivement pourquoi Francione a sa place et pourquoi il est important qu'il soit traduit en France, puisque il y a déjà eu la traduction des ouvrages de Peter Singer, un des premiers auteurs dont on a entendu les idées sur la question. Oui, très vite. Il y a eu, il y a assez peu de temps, la traduction de l'ouvrage de Regan, oui. Et puis donc maintenant, un peu dans le prolongement, mais avec aussi des idées fortes et nouvelles, Gary Francione. Voilà. Trois figures d'ailleurs, on le verra au cours de l'émission, qui sont avec des points communs et avec des points de divergence assez profonds, en particulier avec Singer, hein, on peut dire. Alors, la première chose que l'on peut considérer pour présenter cet auteur, c'est que, dans le cas de Singer en tout cas, et de Regan, ce sont des philosophes. Et évidemment, vous savez très bien, Claire Gall, puisque ça fait partie aussi des disciplines que vous connaissez, que c'est un juriste. Exactement. Il n'est pas philosophe, c'est quelqu'un qui est un juriste, qui vit avec cinq chiens et qui est absolument des chiens abandonnés, évidemment. Et donc, pour lui donner figure rapidement, ça a une importance qu'il soit d'origine et de profession juridique. On peut dire quoi comme argument? C'est qu'il va surtout s'appuyer sur les droits. Il a déjà un raisonnement qui est très structuré, bon, comme les philosophes, j'imagine, mais qui est peut-être beaucoup plus sur des faits, sur les lois, sur des cas de jurisprudence. C'est vrai. Et qui correspond, qui est peut-être un peu moins dans la théorie, du coup, par rapport à des philosophes. Il est très dans la pratique, Francione. Oui. Et puis surtout, il voit peut-être un des problèmes, ce qu'il a perçu comme un des verrous de l'efficacité des droits de protection animale, et pour lui un défaut conceptuel majeur des autres théories, dont des théories des droits comme celle de Regan, qui est en fait qu'on considère les animaux comme des biens. Le droit le considère comme des biens. Et de ce fait... Le principe d'égale considération, donc qui est commun ça également, va être nos thèmes, voilà, bien on va sûr, également hein. en parler, ah oui, longuement. Que Singer a également utilisé, et donc mise à mal, parce qu'un bien ne peut pas avoir de droit. On ne peut pas avoir de droit. En fait, il y a un droit qui est un prérequis pour avoir des droits. C'est déjà, en fait, de ne pas être un bien, tout simplement. Un bien ne peut pas. Un bien est objet de droit, n'est pas sujet de droit. Et à partir du moment, et donc Franck Yon, on en parlera, il parle d'esclavage notamment, il développe beaucoup cet exemple. N'anticipez pas tout, parce qu'on va y arriver. Vous voyez, en tout cas, voilà, franche démonstration d'un seul coup, et je me tourne vers Florent Couturier, d'une certaine manière, on va pas cacher la chose. Claire Gall se disait, je ne sais plus rien de ce livre que j'ai traduit, mais ça, c'est le truc classique, habituel, hein. Quand on est pour la première fois devant une situation inédite, c'est le cas, vous êtes pour la première fois devant un micro, on se retrouve, voilà. Attends, tout va bien? Tout va bien. Voilà. Bon. On peut peut-être, là encore, conserver cet aspect juridique, Florian Couturier, sur le fait que, grosso modo, à partir de la moitié du 19e, les animaux vont commencer à être pris en considération du point de vue juridique. En particulier, les Anglais vont avoir un acte, je ne sais plus le nom, peu importe, en tout cas, une loi, et que, donc, ça va devenir, en tout cas, on va dire, un objet pour aller vite, de considération juridique. Alors qu'avant, zéro, on pouvait tuer son cheval, on n'avait pas de souci. Sauf Victor Hugo se levant pour tancer celui qui bat son animal. Alors effectivement, même si l'idée que nous pourrions avoir des obligations envers les animaux peut remonter très très loin jusqu'à l'Antiquité, si on arrive sur le plan juridique, ça sera au 19e siècle, et notamment c'est aussi au 19e siècle qu'il va y avoir les premiers mouvements en faveur des droits des animaux, les premières législations, comme vous venez de le dire, avec l'idée de limiter notamment les abus, les violences qu'il peut y avoir contre les animaux domestiques. Et on voit alors, et il y a une chose qui est tout à fait étonnante aussi, j'en profite parce qu'après je risque d'oublier, parce que là on va évidemment parler surtout de l'univers anglo-saxon à travers cet auteur, mais il y a un contraste et une chose qu'il faut peut-être rappeler, que les Français ne savent pas tous, c'est que ceux qui considèrent Claude Bernard, à juste titre, comme l'inventeur, ou en tout cas le grand découvreur de procédés métaboliques chez l'homme, étaient pour une vivisection absolument farouche, et quand on lit les ouvrages d'expérience animale, qui sont faites sur des chiens vivants, par exemple, sont absolument, absolument insoutenables et abominables. Et, curieusement, son épouse est absolument contre la vivisection et qu'elle va être l'un des membres fondateurs de la Société protectrice de défense des animaux. Comme quoi, les choses sont ainsi. Alors, là, pour aller vite, je vais donner un certain nombre de chiffres pour qu'on se fasse une idée. Je donne ceux de Gary Francione parce que on pourrait les actualiser, on pourrait les multiplier, on pourrait savoir par exemple combien de chiens, de chats ont été abandonnés cette année en France, et on serait très étonné, là encore, de voir l'espèce de cruauté terrible dans l'abandon, parce qu'on balance comme une petite poupée, ou je ne sais pas quoi, ou un train électrique qui ne marche plus. Donc, nous avons donc, je cite Francione, nous traitons réellement les animaux de façon frappante. Nos déclarations concernant nos égards, soi-disant, pour leur statut moral. Chaque année, nous faisons subir à des milliards d'animaux une immense quantité de douleurs, de souffrances et de détresse. D'après les chiffres du département américain de l'agriculture, nous tuons plus de 8 milliards d'animaux par an pour l'alimentation, dont 37 millions de vaches et de veaux, 102 millions de porcs, 4 millions de moutons et d'agneaux, 7,9 milliards de poulets, 290 millions de dindes et 22 millions de canards. Nous abattons plus de 100 000 chevaux par an. Nous tuons encore 23 millions d'animaux tous les jours, soit plus de 950 000 par heure, soit encore près de 1 600 animaux tués par minute, c'est-à-dire plus de 260 par seconde. Chaque seconde qui passe, on a tué plus de 300 animaux. Je crois qu'on peut arrêter là cette litanie morbide, hein. Et on peut peut-être commencer, et là on va être obligatoirement redondant parce que il va falloir, mais c'est pas mauvais pour la pédagogie d'une certaine manière, revenir sur un certain nombre de définitions et de principes. ce qui est à la base du travail de Francione, est-ce qu'il en est l'inventeur, je ne sais pas, vous savez peut-être, c'est celui, alors vous avez décidé, l'organe, de le traduire par « sentient ». Oui, avec l'accord de l'éditeur, de l'éditrice. Voilà. Mmh. Vous mettez une virgule à la première occurrence, sensibilité. On peut considérer effectivement, alors je me lance, hein, je pense que c'est un vrai concept, sentience, ça n'est pas simplement un synonyme de sensibilité, puisqu'on peut considérer, en particulier ceux qui sont très très attachés au propre de l'homme, que il y a sensibilité à partir du moment, je ne sais pas si je pique un ver de terre, il peut à ce moment-là avoir quelques mouvements. Est-il sentient? Je ne sais pas. En première approximation, je vais vous le demander à l'un et à l'autre, de façon brève, comment est-ce qu'on peut définir sentient? Vous commencez On peut déjà dire comment Francione donc l'a défini. Donc je vais vous lire ce qu'il écrit dans le livre. Ma définition de la sentience consiste en une conscience de la douleur qui distinguerait les êtres sentients des êtres qui n'ont rien de plus que des réactions neurales nociceptives, c'est-à-dire des réflexes, et chez qui les lésions tissulaires peuvent provoquer donc des réflexes, mais sans perception du fait que c'est un moi qui souffre. Un être sentient, bon, il y a des définitions plus larges, mais c'est avant tout un je, un moi qui... Un je, oui. Voilà. C'est qui éprouve donc des choses subjectivement, qui vit des expériences, qui peut éprouver tout un tas d'émotions, de la douleur, du plaisir. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter au propos Pour mettre en perspective, on pourrait rappeler que pour des raisons scientifiques, philosophiques, la sentience n'a pas toujours été, enfin la sentience ou la sensibilité, tout dépend comment on traduit, n'a pas toujours été accordée aux animaux, loin s'en faut, et que c'est justement, c'est maintenant, pour être large depuis le XXe siècle, on commence à revenir là-dessus, qu'on reconnaît à de plus en plus d'animaux la sentience, la capacité de d'avoir une perception certes, de ressentir la douleur, mais aussi d'avoir des émotions, des désirs, pour le dire en un mot, d'avoir une vie mentale, une subjectivité. Et c'est un cercle qui s'accroît en permanence, hein, puisqu'au départ on a considéré les mammifères qui sont les plus proches de nous. Après on s'est posé la question des oiseaux. On a montré que finalement c'était des êtres sensibles également. Il y a eu la délicate question des poissons, puisqu'ils ont l'air assez éloignés de nous, mais finalement sans étonnement, on a découvert que eux aussi pouvaient ressentir la douleur. Ah oui, une douleur affreuse d'ailleurs, on le voit parce que même par exemple la pêche sportive où très royalement on montre qu'on a été capable de ferrer, de prendre un brochet, on lui enlève l'hameçon, c'est une abomination, hein, c'est comme si on vous plantait un clourrier dans la mâchoire et qu'on vous l'enlève, quoi, hein, voilà. Pour que vous puissiez repartir chez vous. Donc énormément d'animaux qui, on est en train de le découvrir, on est en train de l'établir scientifiquement, sont semblables à nous de ce point de vue, c'est-à-dire ils peuvent ressentir la douleur. Et puis, Francione ainsi justement, c'est ce qui va derrière ce concept de sentience, hein, qui a fait vraiment un concept particulier, très important pour sa philosophie, c'est que un être sentiente, c'est un être qui, non seulement perçoit une douleur, mais qu'il reconnaît qu'il est cet être qui perçoit douleur, c'est et ça. Pas un autre. C'est un souffrant qui a conscience de l'être. Voilà, c'est un jeu, comme disait l'organe. C'est un jeu, absolument, oui. Et la première demande, et on va jouer le jeu des définitions, va être assez bref aussi, parce qu'après il faudra rentrer bien sûr dans le détail, mais il faut y rajouter un principe qui est extrêmement important, je vous laisse le dire, hein, Florian Couturier. Le principe d'égalité de considération. Voilà, le principe de... Il faut le redire doucement, un principe d'égalité de considération, parce qu'il va tout engager d'une certaine façon dans la position vis-à-vis des animaux, à travers donc la position ou les positions philosophiques de... Vous dites Francione... Non, vous dites pas à l'italienne, hein. Comment est-ce qu'on peut s'entendre? Vous le dites à l'américaine, vous. Non, nous, on le dit à l'italienne. Bon, allez. Je vais vous suivre sur ce non, point. Non, faites comme vous voulez, allez. C'est Francione ou ainsi de suite. Bon, allez. Alors, qu'est-ce que c'est que ce principe d'égale considération? Alors déjà, c'est un principe qui est au cœur de la pensée éthique. C'est pas du tout quelque chose qui est particulier à Gary Francione. Bien sûr. Et il est très clair sur ce point. Après, il est très clair aussi sur un autre point, c'est que c'est un principe purement formel, c'est-à-dire qui ne donne pas le contenu sur quoi il s'applique. Le principe d'égale considération, c'est de dire, quand on est dans des circonstances similaires, eh bien, on doit juger les individus de façon similaire. Comme le disait Lorgal tout à l'heure, c'est un principe qu'on retrouve appliqué chez Peter Singer, par exemple. Mais lui va l'appliquer justement aux intérêts des animaux et des êtres humains aussi à ne pas souffrir. Et c'est tout à fait cohérent dans le cadre de sa pensée utilitariste. Ça va être assez différent chez Gary Francione, puisque lui, il va pas beaucoup plus penser en termes de statut vis-à-vis de la notion de propriété. C'est-à-dire, pour le dire très brièvement, si on considère que les êtres humains ont des intérêts précieux qu'il convient de protéger, on va les protéger par des droits. C'est ce qui est maintenant en vigueur. Si on reconnaît que les animaux ont ces mêmes intérêts à ne pas souffrir, par exemple, à ne pas être retenus en captivité, etc., eh bien, pour Gary Francione, la conclusion logique, c'est qu'on devrait les traiter de façon similaire et les protéger par des droits de la même façon. France Culture, Continent Science. Stéphane Delisgeorge. Et on pourrait rajouter d'ailleurs, d'une même voix, dans la suite de votre propos, Florent Couturier, que évidemment on ne va pas les considérer comme des ressources. À partir de là, ça va être le moment d'importance. On ne va pas les considérer comme des objets, on ne va pas les considérer comme des biens. Et généralement, c'est ce qu'on fait. Et le point d'importance aussi, et là, vous pourrez peut-être expliquer ce point, Klingel, c'est que à partir du moment où on considère que vis-à-vis de ces sentients, on a ce principe que vient de définir Florian Couturier, les sentients, c'est-à-dire les vaches, les chevaux, ainsi de suite, je pourrais continuer la liste longuement, sont dans une communauté éthique, une communauté morale. Une communauté morale. C'est-à-dire qui relève du droit. Mmh. Et donc, d'une certaine manière, là encore, on s'était appuyé très longtemps pour marquer les différences. J'utiliserai un certain nombre de ce qu'on appelle les spécistes, c'est-à-dire qui pensent qu'il y a un propre de l'homme, qu'il n'y en a rien à voir, il y a une différence absolue entre les animaux et nous, puisque nous sommes homo loquens, homo fabricans, ainsi de suite. Bon. C'est important que, d'un seul coup, à la suite et comme conséquence de ce principe de non-utilisation et de respect, on fasse rentrer les animaux dans cette communauté morale. Oui, les animaux, on le sait tous depuis qu'on est petit, sont des individus. Après, comme Francione le montre, on est un peu hypocrite finalement avec dans nos utilisations des animaux sont aberrantes, sont cruelles, ne sont même pas dignes, et pourtant on le fait parce qu'on le peut, parce que l'animal est un bien. Alors après, on fait toujours des petites il y a eu des réformes, des modifications du code civil récemment, les gens ont applaudi, mais finalement le droit avance très doucement. Que ce soit en France ou aux États-Unis, même ça, ici, il y a un certain militantisme. Mais il y a la volonté de plus en plus marquée de dire qu'il y a quand même un problème avec ça. Et peut-être que les animaux de compagnie jouent un rôle, ou les animaux qu'on voit, car on sait ceux qui sont proches de nous. Finalement, c'est les seuls qu'on voit. On a retiré la qualité d'individu aux animaux qui sont perdus dans les élevages. Ils sont dans des hangars, personne ne les voit. C'est très facile de minimiser la souffrance de quelqu'un quand c'est pas sa souffrance. Quand c'est pas nous qui souffrent, on peut minimiser la souffrance. Si vous avez mal, si, je sais pas, je m'amuse à vous planter un couteau dans le bras, pas sûr que ce soit très drôle, mais je peux, moi, considérer que ça doit pas être très douloureux. Je pense que vous seriez dans une position où vous considériez les choses différemment. Mais si vous aviez le statut de bien et pas d'individu protégé par des droits, c'est-à-dire des notions morales qui puisent leur racine dans le respect de l'individu, comme une barrière qui vous protégerait, eh ben, on peut tout faire, en fait. Il n'y a pas de limite. Et donc Frank Yon, contrairement à Tom Regan, qui est également un abolitionniste, ils se rejoignent sur beaucoup de points. Par exemple, Singer, lui, se démarque un petit peu, même s'il utilise le principe d'égale considération, qui est très intéressant, et même s'il s'élève également contre le spécisme, à juste titre. Singer, lui, ça ne le dérange pas dans l'absolu qu'on utilise un animal. C'est ça, il y a des conditions particulières où on peut tuer un animal. C'est la grosse différence entre les deux autres, en tout cas, qui partagent cet impératif absolu de ne pas tuer un animal, comme on peut mobiliser un bien. Alors, justement, ce que vous dites là, Klingel, fait penser à ce que stipule très bien Gary Francione, et c'est une espèce de d'hypocrisie à double face. C'est-à-dire que d'un côté, on dit « Oh, mon petit chouchou !» et ou alors, quand on voit l'abomination d'un élevage industriel de poules à qui on a coupé le bec pour qu'elles ne se battent pas entre elles, ou un élevage de cochons à qui on a coupé les queues toc sans aucune anesthésie, ou on pourrait multiplier les exemples, mais quand on sait que ces poules sont élevées sur un territoire ou plutôt une place qui est l'analogue d'une feuille à trois, là tout le monde est absolument indigné. Quand on voit que avec les pratiques habituelles, très souvent il y a des stipulations du welfare, donc de mieux faire, et qui sont des réglementations, il faut qu'on soit sûr que l'animal soit mort avant de commencer à le découper, ça rate. Souvent, il est encore, il est groggy et encore conscient. Quant alors au mode de façon de tuer les animaux dans la religion musulmane et dans la religion mosaïque, c'est évidemment un égorgement. Il faut que l'animal soit vivant. Donc, on est là. Choqués, les gens sont choqués. Et puis après, ils vont avoir cette espèce de comportement avec leur petite poupée animale, quoi. Leur petit. Et vous disiez, là, on sort un petit peu du cadre de Frantione, mais que vous disiez, Klingel, que peut-être que petit à petit, en ayant de plus en plus conscience que les animaux de compagnie ont vraiment une personnalité, même ceux qui ont un lapin, ils voient bien à un moment que c'est pas un lapin crétin. Oui, un lapin peut être dorloté, adoré, comme il peut être servi en civé, le même lapin. Oui. Et ça dépend de la volonté de ce qu'on va en faire. Ça agace un petit peu les militants toujours de la cause animale quand on prend l'exemple des animaux de compagnie, et c'est assez illustré sur la couverture parce que c'est une sorte de catégorie protégée. Il y a même une convention sur européenne au niveau de l'Europe sur la protection de l'animal de compagnie. Mais pourquoi protéger un chat et pas un cochon alors qu'ils sont sentients tous les deux, et le cochon est d'ailleurs très intelligent et très attachant. Mais finalement, les animaux de compagnie, ils permettent, pour moi, c'est un petit peu, il y a l'image des chatons mignons, mais c'est pas seulement aimer les animaux, les trouver mignons, c'est pas que des petites peluches. Les animaux, bon, il y a bien entendu des gens qui les abandonnent sur le coin de la route, oui. Mais il y a également, on l'a vu lors de la mobilisation pour essayer de faire évoluer le code civil, beaucoup de gens qui sont très attachés à leurs animaux de compagnie. D'ailleurs, c'est pas des animaux de compagnie, ce sont leurs compagnons. Oui. Ce sont des membres de la famille. Oui. Pour certaines personnes, c'est même parfois le seul membre de la famille qu'ils ont. Je pense pas qu'à des catégories, des personnes âgées. C'est également très important pour les enfants. Ça a été largement documenté. Mais du coup, ces animaux de compagnie sont finalement les seuls qu'on perçoit en tant qu'individus. Qu'on est donné. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est une sorte de faille, parce que c'est un petit peu les chats, les chiens et les poissons rouges de Troie qui vont finalement essayer de faire un petit peu bouger le droit, parce qu'ils touchent les gens, en fait, simplement. Oui. Mais les animaux dans les élevages, comme dit, sont également des individus. Alors évidemment, dans le cas les exemples mobilisés par Frantione, il y a évidemment qu'il est contre l'exploitation par donc l'élevage industriel et la façon dont il se termine, c'est-à-dire cette mise à mort dans les conditions que l'on sait pour tous les animaux. Toute petite parenthèse d'ailleurs, puisque nous suivons presque un feuilleton, en tout cas de la sensibilité des animaux. Les bovins sont des animaux très sociaux, il y a des matriarches dans les troupeaux, comme il y a des matriarches dans les hordes de chevaux. Et de plus en plus, les éthologues évolutionnistes montrent que ce sont des sociétés très complexes. Il y a par exemple des mauvais comportements dans une horde de cheval, et il y a une matriarche qui va interdire, et ça le met en danger. Hein, c'est va sortir un jeune mâle pour le punir, sortir de la horde, et jusqu'à ce qu'il ait bien compris l'ordre, et pour le faire entrer dans le rang. Bref, alors on peut poursuivre cette liste si vous voulez bien, Florent Couturier. Il est contre l'élevage, il est aussi contre, évidemment, ce qu'il appelle les animaux acteurs. Il est contre toutes les formes de l'exploitation animale, absolument tout. Alors, il y a juste une seule distinction qu'il va faire. Déjà, alors, il y a tout ce qui rentre dans le cadre de la chasse, de l'alimentation, du divertissement, vous venez d'en parler, les animaux acteurs, tout ça. Il les passe en revue, vous avez cité quelques chiffres tout à l'heure, et il en donne encore beaucoup d'autres. Oui. Et puis, il montre que on considère que ces usages-là, ces pratiques-là sont nécessaires, alors qu'en fait, on peut tout à fait, pour le moins, relativiser cette idée de nécessité. La seule distinction qu'il fait, c'est dans le cas de la vivisection, des expériences pour la recherche, qui, il le reconnaît lui-même, est un cas plus complexe. Mais même là, à ses yeux, il va sortir une série d'arguments, et d'ailleurs des arguments assez intéressants qui mériteraient d'être approfondis. Ce que nous fîmes d'ailleurs, puisqu'on a consacré un rendez-vous de continuation sur la règle des 3 R, hein, voilà. C'est-à-dire les modifications donc, et la volonté, qui est donc le fait d'une convention européenne pour les 3 R, c'est les 3 R du remplacement, c'est pour arrêter de mobiliser en trouvant des moyens techniques différents, voire in vitro, voire in silico, on n'a pas besoin, parce que c'est abominable, hein, en particulier, on peut peut-être le rappeler aussi, l'industrie de la mode, c'est le grand abattoir aussi, c'est là encore... Partout, l'alimentation, c'est quelque chose de gigantesque, mais la recherche, donc on parlait de la recherche, c'est un point intéressant, parce qu'au 19e siècle se posait déjà le problème de l'expérimentation, on a parlé de Claude Bernard aussi, mais le problème c'est que ça n'a fait que grandir encore le besoin en animaux, et puis les souffrances infligées à des quantités d'animaux, de toutes sortes, y compris des chimpanzés, n'a cessé de grandir à travers le temps, et c'est devenu donc un problème encore plus grand que ce qui se posait avant. Et là encore, Francioni se prononce comme abolitionniste, c'est-à-dire nous ne devrions pas, pour des raisons éthiques au premier plan, mais aussi pour une variété d'autres raisons, nous ne devrions pas utiliser des animaux en vue d'accroître nos connaissances ou pour faire des tests de produits d'entretien, de produits cosmétiques, les cosmétiques ou les cosmétiques également, mais il n'y a pas que ça. Oui. Pas que ça. Avec cet argument, et d'ailleurs sur ce point, Francione et Regan assonnent totalement, c'est que ce qu'on peut voir, ne serait-ce que par exemple sur la provocation d'un cancer chez la souris, c'est absolument pas du tout évident qu'on puisse généraliser au processus métabolique qui se produit chez l'homme. Et en particulier, ça c'est un argument massu, important, que beaucoup d'expériences animales ne peuvent pas être mobilisées pour une connaissance concernant l'espèce humaine. Il semblerait qu'il y ait un très gros problème d'extrapolation, effectivement, des données recueillies sur les animaux. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Et ben voilà, largement dépassé le mi-temps de cette émission, entièrement consacrée au grand philosophe Gary Francione. Et je ne sais pas si Danny Journeau a décidé de passer What a Wonderful World par antiphrase, par moquerie, par ignorerie, ou pour nous faire respecter devant cette abomination. Parce que je vais donner un chiffre. Il est américain, celui-là encore, puisque je l'extrais. 150 000 élans sont tués tous les ans aux États-Unis, quand on sait l'importance dans l'environnement, parce que les animaux sont dans un environnement, sont conditionnés d'un environnement pour faire vivre d'autres espèces. Et alors là, 21 000 ours par an. Alors on va pas s'étonner qu'il n'y ait plus de pumas aux États-Unis, dans les grandes plaines. 21 000 ours par an. Bon. Reprenons nos questions philosophiques. Pourquoi on peut peut-être mobiliser par une espèce de raccourci économique, si vous êtes d'accord, Laurent Couturier, Bentham, qui a été très important, qui a eu un rôle très important, et qui nous permet de aussi présenter certaines des thèses contre lesquelles va être Francione. Concernant le droit des animaux. Oui, effectivement. Gary Francione parle de Bentham à deux occasions dans son ouvrage. Il faut dire aussi qu'il fait positivement d'ailleurs dans un premier temps. Positivement dans un premier temps. Et il fait aussi il présente Peter Singer comme un Bentham moderne, en fait, oui, qui a repris ses thèses autour des droits des animaux et qui les a développées. Et le premier point positif, c'est justement en vertu de sa méthodologie utilitariste, d'avoir pu faire rentrer les animaux dans la communauté morale. Tout simplement, puisque pour le dire rapidement, la méthodologie utilitariste, c'est de considérer qu'un acte est moralement correct s'il maximise le bonheur, le bien-être, le plaisir de l'ensemble des individus qui sont impliqués. Et du coup, on voit bien que la souffrance, ça va être une conséquence négative qui doit être soustraite à ce solde. C'est ça. Et par conséquent, la souffrance pas seulement des êtres humains, mais aussi des animaux. Donc le premier point, c'est de faire entrer les animaux dans la communauté morale. Après, Francione va se montrer critique de Bentham, au sens où, à cause de son utilitarisme, encore une fois, Bentham va considérer que finalement, les animaux, certes, peuvent souffrir, donc il ne faut pas les faire les souffrir inutilement, mais en revanche, on peut les tuer, puisque une mort propre et sans douleur ne leur cause pas au grand tort. Et évidemment, Francione est tout à fait va tout à fait à l'encontre de cette idée, puisqu'il considère que tous les êtres sensibles ont aussi un « je » et ils ont un intérêt à continuer à vivre. Bien sûr, et ils ont une terreur de la mort, alors que dans l'esprit de Bentham, dans le cas d'espèces où justement on peut s'autoriser à les tuer, ce sont des êtres qui n'ont pas conscience en particulier, ils ne savent pas ce qui va se passer, ils n'ont pas de préscience. Or, là encore, dans l'élevage industriel, on a bien montré avec des travaux très très fins qu'il y avait une détresse absolument abominable et d'anticipation de la souffrance à venir. Quand on a contraint un animal à être transporté dans un camion, et ainsi de suite, enfin bref. Ce qu'on pourrait peut-être utiliser, c'est en tout cas ce que fait, et là encore on voit très bien l'intérêt de la formation et la culture juridique de Francione et Claire Garel, c'est lorsqu'il mobilise, et c'est vraiment très très probant, c'est là encore, quand il mobilise les lois qui ont été... Au moment qui précède l'abolition de l'esclavage, qui ont été faites en particulier vis-à-vis donc des biens meubles qui étaient les esclaves, donc des êtres vivants, donc des Noirs, qu'on considérait bien évidemment comme inférieurs, de la part des Blancs. Et donc, à un moment, il y a eu, on a décidé d'instituer une loi qui stipulait, de façon juridique forte, donc c'était une prescription juridique, le maître ne tuera pas son esclave. Et on a vu qu'il suffisait quelques appendices, et voilà, hein, quelques addendas, ou quelques addendums bien choisis pour contrarier la chose. Pourquoi c'est très parlant, Claire Gall, cette histoire? Je pose la question d'eux, mais voilà, vous pouvez commencer. Parce que là, on voit bien une situation où l'être esclave est un bien, une ressource. Mais comme le dit Franken, c'est simple, un bien ne peut pas avoir de véritables droits. Ses intérêts ne comptent simplement pas ou comptent moins. Quand on met les intérêts d'un propriétaire et l'intérêt de son esclave dans la balance, dès qu'il va avoir un petit intérêt ou même complètement futile à utiliser l'esclave, voire même à le tuer, il le fera. Parce que c'est son bien. Et donc, c'est vraiment un argument central pour Franken. Et d'ailleurs, il considère qu'il n'y a pas besoin, comme Ringon parle, d'être le sujet d'une vie ou voilà. C'est que, en fait, il découle du principe d'égale considération qu'on doit être sur la même, à la même hauteur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sous-peser dans la balance les intérêts de quelqu'un qui a des droits et quelqu'un qui n'en a pas. En fait, c'est un prérequis. Pour avoir des droits, il faut être une personne juridique, il faut être sujet de droit, il ne faut pas être un bien, en fait. Sinon, il a montré que, voilà, qu'on n'avait pas, on pouvait pas entrer réellement dans la communauté morale. Oui, c'est toujours avec ce distinguo, pour ceux qui sont contre ces histoires de droits des animaux, on ne peut bien évidemment être sujet du droit de deux façons, et en particulier parce qu'on est loquins, donc bien sûr, et qu'on est les seuls à le faire, puisque juste pour... En forme de plaisanterie, les singes ne parlent pas parce qu'ils n'ont rien à nous dire, quoi. Et alors qu'on a vu très bien qu'ils avaient beaucoup de communication entre eux. Donc, évidemment, un animal, il peut pas être un agent actif moral. Et il le dit très bien, Franken. Et il dit très bien que, évidemment, un bovin ne peut pas intenter un procès à l'éleveur. Alors, je renouvelle cette question à travers, parce que vous aussi, vous m'avez signifié, Florent Couturier, que c'était marquant, c'était presque nodal, là, au centre de l'ouvrage, que cet exemple, justement, où l'homme lui-même est considéré comme une ressource, un bien, une propriété. Oui, c'est quelque chose qui revient vraiment tout au long de l'ouvrage et qui est extrêmement parlant. Puisque en sa qualité de juriste, d'ailleurs, Gary Francione produit des exemples du temps de l'esclavage aux États-Unis, des exemples de lois et de cas qui ont été traités, où on montre qu'en fait les lois qui avaient été mises en place avec l'idée de protéger quelques-uns des maigres intérêts des esclaves ne servaient à rien du tout, puisque dès lors que l'esclave faisait mine de se rebeller, le propriétaire avait tout droit sur sa propriété. Donc, et puis en plus, les juges étaient réticents à condamner le propriétaire pour un usage après tout légitime de sa propriété. Et il y a une analogie extraordinaire avec les lois promulguées au XIXe siècle et encore actuellement en vigueur avec les animaux. C'est-à-dire finalement. C'est ça que Francione appelle notre schizophrénie morale. C'est ça. On a promulgué ces lois en se disant, quand même, les animaux peuvent souffrir, ils ont des intérêts, on devrait chercher à les protéger. On met en place des lois, mais ensuite on exclut explicitement, ou parfois implicitement, la plus grande part des cas où ils peuvent être exposés à la souffrance et à la mort. Explicitement, on va exclure tout ce qui est de l'ordre de l'élevage, parce que c'est nécessaire, parce que c'est une pratique institutionnalisée, parce que c'est un usage, et qu'il faut bien, après tout, avoir recours à toutes les pratiques qui permettent de perpétuer cet usage, cette exploitation des animaux. Donc, même si on peut ne pas être d'accord, si on peut nuancer cette idée d'attribuer des droits aux animaux sur un plan théorique, ce qui est très important avec Francione, c'est qu'il montre que sur le plan pratique, quand on peut penser que les animaux sont élevés avec respect, que les comportements cruels sont évités, etc. Non, il faut écarter ça complètement. À la limite, on peut assumer l'idée de les exploiter, mais en tout cas, on ne peut pas se réfugier derrière cette idée. Oui, parce que c'est faux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Ce qui se passe dans les abattages, ce qui se passe pour la recherche, etc., inflige énormément de souffrance, et il faut au moins être au clair sur ce point-là. Et ce que dit Francioni, c'est qu'après, on a simplement deux choix, et deux choix seulement. Ou bien on assume cette exploitation. Moi, ça me paraît difficile à partir du moment où on a reconnu le fait qu'il souffrait comme nous et que c'était un intérêt fondamental pour eux de ne pas souffrir. Le deuxième choix, c'est de tirer les conséquences en vertu du principe d'égalité de considération dont on parlait tout à l'heure et de dire ces intérêts très importants pour eux comme pour nous, il faut les protéger de la même façon et il faut les protéger par des droits. Alors, petite remarque à la question « Un insecte est-il sentient ?» Là, évidemment, Francione réserve sa réponse, il dit qu'il ne sait pas, il ne connaît pas la sensibilité des insectes, s'entend. Le doute, abstenons-nous. Mais dans le doute, abstenons-nous, bien évidemment. Puis d'autant plus qu'il parle beaucoup des animaux domestiques, les volailles, les bétails, c'est avant tout cela sa cible. Alors il y a un point important aussi, et qui sera d'ailleurs largement développé par d'autres auteurs, mais qui l'a encore dans le contemporain de ces réflexions et de ceux qui sont attentifs aux droits des animaux et au bien-être de ces êtres, c'est que il y a l'argument de la nécessité absolument présente, omniprésente, pour la bonne nutrition, de manger de la viande. Or... évidemment, il est Francione, comme Regan d'ailleurs, totalement végétarien. Il est même végétalien. Oui, c'est ça. Précisons d'ailleurs. Végétarien, c'est celui qui ne mange Alors, que. Un vegan, donc, ne participe absolument pas à l'exploitation animale. Donc, dans le domaine de l'alimentation, l'alimentation sera végétalienne. Donc, aucun produit animaux ni sous-produits animaux. Et au niveau également, c'est tout un mode de vie. C'est par exemple, les chaussures seront sans cuir. On ne va pas aller au cirque, ou du moins dans des cirques comme le magnifique Cirque du Soleil sans animaux, ou on ne va pas aller aux zoos, on ne va pas entretenir, où on va chercher du moins à essayer d'atteindre cet objectif qui peut parfois être difficile vu qu'on baigne dans une société où l'exploitation animale est partout. On va ne pas participer à l'exploitation animale, la rejeter dans absolument tous les aspects de notre vie quotidienne. Oui, il y a eu longtemps, il est mort, un gorille albinos dans le zoo de Barcelone, qui était évidemment le gorille le plus célèbre au monde. C'était le gorille albinos, il était seul, il était fou. Tous les singes, tous les primates supérieurs qui sont seuls, sont fous. Et on sait les chiffres, on sait qu'à partir de 6 individus, il y a constitution du social. S'il y a moins, ils sont tous fous. Ils sont tous l'abomination aussi des dauphins, de tous les delphidés, parce que évidemment ils sont dans des piscines qui sont d'une couleur uniforme. Les delphidés, qui sont parmi les plus intelligents, ont besoin d'un relief de fond. Autrement, ils sont perdus, ils ne savent pas. Et par exemple, il y a eu un jeune dauphin mâle qui a été mis avec des adultes femelles. S'en est suivi des bagarres. Elles étaient en position de matrice. Ainsi de suite, elles l'ont rendu complètement fou et après il était d'une agressivité absolument incroyable et il a fini par blesser quelqu'un. Là encore, on réalise pas, surtout pour des animaux aussi intelligents, combien la chose est importante. Donc il y a évidemment cette position qui est, pour revenir à ma toute première question, quelle est cette mythologie de l'obligation d'une bonne alimentation, si elle est carencée en viande. Ah mais l'alimentation, il n'y a pas besoin de viande pour s'alimenter. Moi-même, je suis végétalienne depuis une vingtaine d'années. Toute ma famille l'est. Il n'y a pas de problème. On peut tout à fait. C'est vraiment un conditionnement, peut-être plus français qu'autre chose, puisqu'aux États-Unis, dans certaines villes, c'est absolument d'une banalité d'être vegan. C'est quelque chose de tout à fait courant. Mais non, on n'a absolument pas besoin de produits animaux pour manger. On peut manger des plats, avec beaucoup de goût. Il y a même du fromage vegan pour les Français, s'ils en manquent. Toute une grande variété à découvrir. Pour moi, c'est un peu étrange comme question, puisque je le vis de manière pratique depuis un moment. Et je comprends même pas, je me demande même si les gens pensent vraiment qu'il faut de la viande. Enfin, je comprends pas, en fait. C'est, oui, bien sûr, on peut manger sans viande, sans produits animaux. Il n'y a aucun souci de santé. C'est même une alimentation qui est plus saine. Et qui a de nombreux... Plus cancérigène, en tout cas, c'est l'alimentation. Moins cancérigène, ouais. Également pour les problèmes cardiovasculaires. Oui. Je vous invite juste rapidement, si vous avez des préjugés sur l'alimentation végétale ou si vous souhaitez vous informer ou mettre en pratique le livre de Franck Yonne, c'est de vous rendre, par exemple, sur le site de l'Association végétarienne de France, oui, qui a une traduction du livret du PCRM. C'est un groupe de médecins américains qui prônent le végétalisme pour des raisons de santé. Et donc, ils ont ce guide, s'appelle le guide du végétarien débutant, qui vous explique en français, ou sinon vous pouvez aller sur pcrm.org pour les versions en anglais et plein d'autres informations sur la santé. Également, à vous rendre au Vegan Place de L214, qui sont organisés un peu partout dans la France. Il faut aller sur le site d'L214 dans la rubrique agenda, mais c'est très important parce qu'il faut faire tomber ces préjugés en France et vraiment avancer, parce que non, il n'y a absolument aucun problème avec l'alimentation. C'est même au contraire plus sain. Je peux rajouter simplement parce que j'ai reçu un courrier de quelqu'un qui s'étonnait. Donc, je donnerai toutes les informations évidemment sur son site, qui en particulier a traduit le blog de Regan. Je suis absolument désolé, j'oublie à l'instant son nom, mais il sera sur le site. Le blog de Franck Yonne. Oui, le blog de Franck Yonne. Voilà, elle a traduit ça, entre autres choses, et aussi un livre qui est sorti. Petit traité de véganisme. Voilà, de Franck Yonne, chez l'âge d'homme également. Oui, et non, là, dans son cas, c'était une traduction. Là encore, je suis absolument désolé, c'est la précipitation du direct de mettre d'oublier ce nom, mais les choses seront rattrapées sur le site, sur le donc la traduction du blog, et aussi sur un collectif publié chez Autrement. Voilà. Alors, petit rappel aussi, parce que on est devant cette situation qui est la suivante. Il y a un calcul qui est tout simple, qui est en tout cas extraordinairement démonstratif, puisqu'il est l'amorce d'une chaîne. Pour faire un steak, il faut 1800 litres d'eau. Il faut évidemment aller déforester de façon grave les forêts primaires d'Amazonie, d'Asie lointaine. On peut penser à des tas de pays pour élever quoi ? Du soja qui va nourrir ensuite les animaux. Donc il y a aussi, entraînant cette question qui est de morale vis-à-vis du vivant sur cette planète, une interrogation et aussi une alerte sur l'écologie générale, puisque cette suite-là, détruire des forêts, faire perdre leur travail à des paysans pour planter de façon industrielle très intense pour faire de gros bénéfices financiers, pour obtenir du soja, pour ensuite nourrir les fermes, dont on va bientôt avoir 1000 représentants, hein, les fermes de 1000 vaches. La Terre ne tourne pas vraiment rond, là, non plus, hein, avec cette affaire. Qu'en pensez-vous, l'un et l'autre ? Oui, c'est l'occasion de souligner un point vraiment très important auquel je suis particulièrement sensible, c'est qu'effectivement, un certain nombre de partisans des droits des animaux ont tendance, des fois, à opposer écologie, droits des animaux. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce point. Comme vous venez de le souligner, en fait, c'est quelque chose de global. Et puis, même plus global que cela, puisque, par ailleurs, un certain nombre de personnes qui entendent parler des droits des animaux, à qui ça peut paraître absurde, ont tendance à les opposer aux droits des humains. Et là encore, c'est faux. C'est-à-dire que pour les auteurs comme Franck Yonne ou Regan, c'est très clair, c'est quelque chose de global, protéger les droits des minorités humaines, c'est marcher main dans la main aussi avec protéger les droits de ces créatures sensibles que sont les animaux. Et puis moi j'y intègre aussi la sphère écologique. C'est quelque chose qui doit se penser comme un tout et je vois pas du tout de raison de les séparer, de les opposer. Indépendamment d'ailleurs de tout le reste, c'est-à-dire de l'argumentation à la limite militante ou en tout cas éclairante, ce sont à mes yeux, a fortiori pour Reagan, parce qu'il y a une grande finesse d'analyse conceptuelle, mais dans le cas de Franchione aussi, c'est de la grande philosophie. Ah oui, de la grande philosophie morale, on peut dire. N'est-ce pas? Il est capable de ferrailler avec les philosophes et leurs arguments. Je fais pas de distinction de ce point de vue-là. Oui. Sa qualité de juriste fait juste qu'il va avoir une approche différente, mais du coup extrêmement éclairante aussi. Autre chose qu'on aurait pu oublier. Ou sans doute beaucoup de choses, mais pour le coup, c'est difficile de. Bon, de on aurait pu parler de la maison au feu. Allez, finissons là-dessus. D'un mot, il y a un animal, il y a un chien dans une maison en feu. Qui choisissez-vous de sauver? En un mot. On peut choisir de sauver l'un ou l'autre, mais on peut tout à fait favoriser de sauver l'enfant. Et voilà. Mais ça, ce sont des conflits et la plupart de nos utilisations des animaux relèvent de conflits artificiels. Nous jetons le chien dans la maison en feu, puis nous demandons c'est si... Ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant à lire, parce qu'il se moque beaucoup de ces exemples fous qui ont donné lieu, comme le dit cette fois Reagan, à une véritable littérature, parce qu'il y a dans le... Vous êtes dans une barque, il y a un chien, et 18, ainsi de suite, qui est, voilà, le canot de sauvetage, ainsi de suite. Merci beaucoup. Merci Claire Gall. L'organe. Merci. Comment? C'était l'organe. Pardon. Merci Florian Couturier, cette merci fois à je ne suis pas trompé. Donc il s'agit de l'ouvrage de Gary Francione, Introduction au droit des animaux, c'est aux éditions L'Âge d'Homme. C'était Continent Science. Merci bien sûr de votre attention, merci aussi de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques sont les bienvenues. À la manette technique, je dis ça au singulier pour aller plus vite, Lise-le. Pour la documentation, Thierry Beauchamp. À la réalisation, Dany Journeau, Stéphane Delisgeorges, Continent Science et Balado Diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous vous reportez au site internet franceculture.fr, à l'émission Continent Science. Vous avez ainsi la possibilité de télécharger cette émission le temps d'une grande année et de l'écouter 1000 jours.